CIT. Wherever you go. And if you want the rest of the world to know how much you love Stephen King's Rock Station, get some merch. Tell me you don't love it. Of course you do. You wouldn't be human if you didn't. You'll find it all on our website at WKITFM.com. Vous êtes à table, avec devant vous une machine à écrire. À cet instant, vous vous apprêtez à poser sur le bas de votre manuscrit le mot « fin », F-I-N. Une fois votre texte terminé, comme à chaque fois, vous vous accordez deux choses rares auquel vous n'avez recours qu'en ces occasions spéciales. Un verre de champagne? Et une cigarette. Puis vous prenez la route et vous écoutez à fond, dans la voiture, Junior Walker and the All-Stars, pendant que les premiers flocons de neige se mettent à tomber. Vous êtes au début du film Misery de Rob Reiner, adapté du roman éponyme de Stephen King, et au début de l'émission. Prenez place et montez le son. Bonjour Mélanie Fazi. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Est-ce que vous êtes en place vous aussi? Tout à fait. Dans la voiture ou derrière votre machine à écrire? Plutôt derrière la machine à écrire. Parce que vous êtes autrice également, c'est ça? Vous êtes autrice, traductrice. Vous avez écrit plusieurs articles d'ailleurs sur Stephen King dans la revue Bifrost, la revue des mondes imaginaires. Vous adorez Stephen King, je crois? Ah, complètement, oui. Depuis l'adolescence. Comme un peu tout le monde de ma génération, j'ai lu à l'adolescence et ce sont notamment des grands souvenirs de lecture de vacances. Ouais. J'ai un souvenir d'avoir lu ça pendant des vacances d'été, c'est resté vraiment associé. Ensuite, je l'ai un peu laissé de côté et à l'âge adulte, j'y suis revenue quand il a sorti Sac d'os. Sac d'os, que j'ai lu, le premier que j'ai lu en anglais, j'ai été éblouie par ce livre. Et je peux dire que j'ai une deuxième découverte de King à ce moment-là, en découvrant notamment que, d'une part, qu'il a une écriture qui est assez brillante. J'avais pas vu ça du tout à l'adolescence. Et qu'il y a une profondeur dans les personnages, dans les thèmes, l'aspect social, des choses comme ça, qui m'étaient complètement passées au-dessus de la tête adolescente. Ou en tout cas, que j'avais pas formalisé de cette manière. Et je l'ai relu différemment. Et... Misery est un de ceux que j'ai lu adulte. J'avais vu le film à sa sortie vidéo, adolescente, mais le livre lui-même, j'ai lu adulte, et ça a été un choc, un vrai, vrai choc de lecture. Pourquoi ? Déjà parce qu'il est extrêmement prenant. Ça a été une autre lecture de vacances, d'ailleurs. Je l'ai emporté aux États-Unis. Je l'ai dévoré d'une traite, et je l'ai trouvé brillant sur un plan technique, puisque là, moi, j'écrivais déjà en plus, donc j'avais un peu plus les outils pour comprendre ce que je lisais. Et je le trouve absolument brillant dans sa construction, son écriture. Et surtout, je n'ai jamais vraiment de toute ma vie lu un autre livre qui soit aussi juste sur le thème de l'écriture. Ce qui m'avait poussé à le lire, c'est qu'on m'a dit qu'il développait ce sujet. Et les écrivains et l'écriture, l'acte de création, souvent c'est montré de manière très clichée dans les livres et les films. Mmh. Et là, c'est sans un seul cliché. Et on sent qu'il a vraiment été puisé dans son expérience personnelle parce que tout sonne juste. Et moi, c'est le livre qui me fait dire, oui, l'acte de création, l'écriture, c'est ça, c'est exactement ça. Mais en fait, le livre est troublant, ainsi que le film, parce qu'il pose une question qu'il faut prendre au sérieux. Est-ce qu'un écrivain, peut-être à court d'inspiration, pour retrouver cette inspiration et proposer un best-seller, ou peut-être une de ses meilleures œuvres, doit être séquestré par son meilleur fan? En fait, la question est vraiment à poser, à prendre au sérieux. En fait, c'est une question qui peut se poser de manière un petit peu extrême. J'aurais tendance à penser que la question se pose en sens inverse. C'est plutôt, quand on lit tout le corpus de King sur les écrivains, puisque c'est un thème qu'il a abordé dans énormément de livres, il y a un thème qui revient de manière obsessionnelle. c'est que l'écrivain utilise l'écriture pour lutter contre ses démons. C'est un acte vraiment intime de rendez-vous avec lui-même, de lutte contre lui-même. C'est quelque chose de vraiment très très fort. Et pour moi, Misérable pose plutôt la question, quel est le rôle de l'écriture pour l'écrivain? C'est celle de le sauver de quelque chose. Et là, c'est vraiment la bouée, en fait. C'est qu'il va s'accrocher, ce livre qu'il va devoir écrire en captivité, on reviendra dessus, qu'il écrit au départ sous la contrainte pour sauver sa peau. Il va l'écrire pour sauver sa peau d'une autre manière, c'est-à-dire se sauver lui-même de la folie. Il s'y accroche. La seule chose qui l'empêche de sombrer, c'est l'écriture. Mmh. Et pour moi, c'est pas tellement, la question se pose pas tellement sous cet angle. Pour moi, c'est vraiment l'écrivain qu'on voit s'accrocher à la chose la plus intime, la plus précieuse qu'il a, et la seule qui peut le sauver, c'est l'écriture. Et pourtant, la femme, puisque c'est un personnage féminin qui joue le rôle de la femme, Annie Wilkes, est déterminante dans le film que dans le roman, parce que cet écrivain que j'ai présenté au début de l'émission, dans la peau de qui j'ai invité l'auditeur à se glisser, va avoir un accident de voiture puisqu'il a pris la voiture sous la neige et il va être récupéré par quelqu'un qui vient lui sauver la vie et qui s'avère être ce qu'elle appelle his number one fan. Et en fait, elle va, là c'est le sujet du roman et du film, le séquestrer. Elle prétend le soigner, elle va le droguer et finalement elle va le séquestrer pour qu'il écrive un autre roman. Donc c'est pas secondaire non plus cette question du rapport entre le ou la fan et l'écrivain. En fait, c'est paradoxal, c'est assez central, mais je pense qu'on a tendance à faire une lecture très premier degré du livre et à du coup exagérer cet aspect qui est présent. On part du principe que King a eu vraiment un problème avec ça dans son rapport avec les fans et je suis pas sûre que ce soit vrai. Ouais. Après, si on prend la situation elle-même, effectivement, c'est un cauchemar absolu, c'est-à-dire il est dans une situation de dépendance totale puisque d'une part ses jambes ont été brisées dans l'accident, il peut plus marcher. Elle lui donne des pilules antidouleurs qui vont le rendre accro en plus. Il est dans une douleur absolument atroce et elle est la seule personne qui peut le soulager. Et elle l'enferme et elle va l'obliger sous la torture, sous la menace. Enfin voilà, on est dans une situation qui est cauchemardesque. Elle devient de plus en plus, de manière plus radicale dans le roman que dans le film, qui est beaucoup plus progressif. Ouais. Mais donc c'est secondaire pour vous. Pardon ? Et donc c'est secondaire pour vous. C'est pas secondaire, c'est que je pense, on a tendance à mettre l'accent sur cet aspect et je pense que ce n'est pas le plus important du roman. Et on a tendance en tout cas à y plaquer, et ça si je peux faire un petit aparté, c'est en tout cas le discours que le cinéaste Rob Reiner tient autour du film, et qui à mon sens est un contresens précisément. J'ai retrouvé des interviews où il parle de ce film en disant que c'est un livre très personnel pour King, ce qui est vrai. Mm-hmm. Et il dit que c'est un livre très personnel parce que c'est l'histoire d'un écrivain qu'on empêche d'écrire ce qu'il veut et qu'on oblige à faire tout le temps la même chose. Sauf que si on lit le roman, il dit exactement l'inverse. Donc là, il y aurait une grande différence entre le film et le roman. Une différence fondamentale. Je vais développer ensuite sur les différences, mais pour moi, la plus fondamentale, c'est que le propos n'est pas le même. Et le film va tordre à plusieurs reprises les éléments du roman pour les faire adhérer à ce discours qu'il tient jusqu'au bout, alors que le roman... En fait, Paul Sheldon, cet écrivain, au départ, se persuade que ses fans l'obligent à écrire ses livres mi-aventure, mi-romance, dont il n'en peut plus au départ. C'est la série Misery. Misery, c'est voilà. Le nom, justement, de la... Le nom de cette héroïne. Ouais. De l'héroïne qui l'a rendu célèbre. Et lui voudrait bien être reconnu comme un grand écrivain tout court. Un écrivain, et il est assez frustré de ça. Et il se persuade qu'en fait, ce sont les fans qui l'obligent. Sauf qu'au fur et à mesure du roman, et je reviendrai peut-être dessus après, il se rend compte qu'en fait, non. Il a toujours adoré ça. Ses romans sérieux, il n'y tenait pas en réalité. Et ça, c'est vraiment un moment très très important du roman. Et le film va tordre complètement certains éléments, des éléments y compris de ce qui nous est donné à voir de ce roman écrit en captivité, pour défendre la thèse que non, en fait, ce qu'il voulait écrire, c'est autre chose. Et le roman nous dit tout autre chose. Alors, c'est passionnant. On va développer ensemble ce qu'il y a dans le roman et ce qu'il y a dans le film pour voir dans quelle mesure est-ce que dans les deux cas, on a une réflexion sur le métier d'écrivain qui est proposé. Voici d'abord Stephen King qui raconte un épisode qui lui est arrivé, juste pour mettre en abîme quand même ce qui se passe avec le rapport entre l'écrivain et les fans. Il est avec George R.R. Martin. Écoutez-le. Misery. Annie Wilkes is what a horrifying creation. Annie Wilkes, quelle création horrifique qui nous terrifie constamment tous les deux, comme n'importe quel auteur à succès. Mais la chose la plus effrayante qui me soit arrivée, c'est qu'un jour, il y avait un colis dans ma boîte aux lettres, et quand je l'ai ouvert, c'était juste Misery, un livre de poche, sans lettres. Rien. Juste un fan anonyme. It was from your number one fan. I'm your number one fan. There is nothing to worry about. You're gonna be just fine. I'll take good care of you. I'm your number one fan. chercher. Vous êtes juste à la sortie de Silver Creek. Il y avait autant. Ça va faire 2 jours pleins. Ça va mieux déjà. Moi, je m'appelle Annie Wilkes. Ma préférée, fantôme admiratrice. Oui, c'est bien. Et infirmière aussi. Tenez, avalez ça. Je suis seul. Des gélules de Novril, contre la douleur. Le blizzard était trop fort, ça aurait été trop risqué de vous y conduire. J'ai essayé de les appeler, mais toutes les lignes sont coupées. Non. Vous ne devez pas bouger. Il faut vous reposer. Vous avez failli mourir. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, Stephen King, anatomie de l'horreur à l'écran cette semaine aujourd'hui. À partir de son roman Misery, de l'adaptation cinématographique Rob Reiner en a proposé en 90. Alors Mélanie Fazi, ce qu'on peut remarquer comme première différence, c'est que là dans l'extrait du film, au début, celle qui le sauve paraît très gentille. C'est une infirmière qui veut prendre soin de lui. Alors que dans le roman, dès les premières pages, on se rend compte qu'il y a un grand problème. Il parle que de douleur et on sent qu'il est déjà dans un état très bizarre. C'est quelque chose qui est très frappant quand on compare les deux. Et je pense que pour moi, la grande force du film, c'est l'interprétation de Kathy Bates. Elle a réussi à créer une Annie Wilkes qui, à la fois, n'a rien à voir avec celle du roman et qui est aussi mémorable. Pour moi, Elle a eu un Oscar d'ailleurs. Elle a d'ailleurs eu un Oscar, oui, qui est complètement mérité. Ouais. Et sont deux interprétations très différentes et vraiment aussi marquantes l'une que l'autre. Et effectivement, c'est un choix, je pense, de Rob Reiner qui dit lui-même qu'il est quelqu'un qui n'aime pas tellement l'horreur. Donc je pense qu'il n'a pas voulu tirer le film vers quelque chose d'aussi glauque que ce peut être le roman parce qu'il est très très sombre et très violent. Et il trouvait, lui, que Annie Wilkes n'était peut-être pas très crédible telle qu'elle est montrée dans le roman. Il a souhaité une approche un peu plus progressive. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, quand on la découvre à l'écran, elle est charmante, on peut se dire qu'il est en de bonnes mains. En plus, c'est une ancienne infirmière. Donc ça tombe bien, il est blessé, mais il a quelqu'un qui s'occupe de lui. Et ça va être très progressivement qu'on s'aperçoit qu'elle a des crises de colère qui sont absurdes et qui vont aller crescendo. Alors que dans le roman, il y a quelque chose, elle est décrite comme une créature qui n'est pas humaine. Les premières impressions que Paul en a, c'est qu'il la compare à une idole de pierre. C'est une figure qui revient, une métaphore pendant tout le roman. À une idole de pierre, à une déesse. Et il la compare aussi à la lune qui commande aux marées, puisque c'est elle qui contrôle la douleur à travers les pilules qu'elle lui donne. Et il y a quelque chose de... Ce qui est frappant quand on relit le roman, c'est que son premier contact, elle lui fait du bouche à bouche. Il a arrêté de respirer. Et en fait, il sent son haleine. Il y a une odeur, je crois, de biscuit à la vanille, quelque chose qui pourrait être agréable. Et en fait, c'est répugnant. Il le vit comme un viol. Et sa première impression d'Annie, c'est cette haleine qu'il doit à tout prix expulser de son corps parce que c'est insupportable. Et elle est vraiment monstrueuse, c'est-à-dire ni humaine d'une part, mais elle est répugnante physiquement. Ce qui n'est pas du tout le cas effectivement dans l'interprétation à l'écran. D'ailleurs, c'est bizarre quand on y pense que Rob Reiner ait voulu adapter ce film. Rob Reiner, c'est le réalisateur de Quand Harry rencontre Sally, qui a eu un succès phénoménal l'année d'avant, je crois que c'est vraiment juste après. Et il s'empare d'un roman qui, lui, au contraire, un roman d'horreur, alors qu'il n'aime pas trop ça. Il dit que pour avoir réalisé ce film, il a regardé énormément de Hitchcock pour essayer de retracer l'ambiance. C'est, à mon sens, en tout cas, un film très réussi, mais parce que je n'ai pas le degré d'admiration que vous avez pour Stephen King ou de connaissance. Voilà, je trouve le roman absolument parfait et le film très réussi. Mais c'est vrai qu'on peut s'étonner du choix de Rob Reiner de s'être emparé de ce texte-là. Oui, je ne suis pas étonnée que pour cette référence à Hitchcock, parce qu'effectivement, on pense beaucoup plus à Hitchcock dans l'ambiance qu'à King quand on regarde le film. La fenêtre sur cour, parce que ce personnage qui est immobilisé avec ses jambes paralysées. Je pense qu'il y a pensé, l'utilisation de la musique et du suspense aussi. Ouais. Mais en fait, Rob Reiner avait déjà adapté King une première fois, puisqu'il avait réalisé Stand By Me, qui pour moi est vraiment peut-être la plus belle adaptation, il est une des plus fidèles. Et il est le premier à avoir adapté un de ses textes non fantastiques, non horrifiques, puisque c'est un film très nostalgique. Et c'est ce qui a fait que King ne voulait pas céder les droits à n'importe qui parce qu'il tenait à ce roman. Et il voulait que ce soit Rob Reiner qui le produise ou réalise. Donc il y a eu un concours de circonstances. Mais effectivement, le choix aussi bien de Rob Reiner que du scénariste Willem Goldman a été d'alléger considérablement l'aspect vraiment extrêmement noir du roman. Et donc le motif de l'écrivain qui n'arrive pas à écrire est quelque chose qui traverse l'œuvre de Stephen King ? Oui, complètement. Comme je disais, il y a un rapport extrêmement fort à l'écriture. C'est vraiment quelque chose qui sauve l'écrivain de quelque chose, de la folie, de son passé ou autre. Et c'est quelque chose qui est tellement constitutif de son identité. Il écrit pas simplement pour le succès, il écrit parce que c'est sa vie. Et il y a une peur panique de ne plus réussir à écrire. Là, vous parlez de Stephen King? Ou du personnage? En fait, je pense que les deux se confondent. Quand on lit aussi bien ce qu'il écrit, lui, sur sa propre écriture, dans l'essai écriture notamment, et ses livres, c'est obsessionnel. C'est un thème abordé à la toute fin de Misérie. D'ailleurs, la peur d'avoir été tellement traumatisé qu'il ne pourra plus jamais écrire. C'est ce qui fait dans Shining, pour moi, que le personnage de Jack Torrance bascule. C'est qu'il a perdu l'écriture. Donc, à partir de là, l'hôtel peut s'emparer de lui, puisqu'il n'a plus ce bouclier qui était l'écriture. C'est le point de départ d'un roman qui est Sagdos, qui est aussi très beau sur le thème de l'écriture. Ça revient énormément, vraiment. Et on peut supposer que c'est une peur très présente chez lui. Et ce n'est pas le moindre des intérêts de ce livre et de ce film que de mettre en scène justement cette question-là. La question de savoir pourquoi est-ce que ça peut intéresser, y compris des gens qui n'écrivent pas. Mais ça, on y reviendra. Voici ce que Stephen King raconte lui-même de son rapport, non simplement à l'écriture, mais surtout à la manière dont ses romans ont été reçus. Parce que là, on est exactement dans les problématiques de Misery. C'est un auteur extrêmement populaire qui s'est essayé à un genre moins populaire. Au fond, quel serait le problème avec la littérature dite populaire? Écoutez Stephen King. Ça m'a toujours dérangé que la fiction littéraire, ce qu'on appelle la fiction littéraire, était sur un côté et la fiction populaire était de l'autre côté. Moi, j'ai toujours pensé qu'il devait y avoir un pont entre les deux pour que les écrivains populaires puissent traverser ce pont et que les écrivains littéraires puissent aller du côté du peuple. Et longtemps, très longtemps, les critiques se trouvaient vraiment comme des gardes-frontières au milieu. Ils disaient, ah non, non, non, tu ne peux pas traverser, tu ne peux pas passer d'un côté à l'autre. Et je pense que ça a changé lentement, mais ça ne change jamais complètement. Imaginez Charles Dickens et jusqu'à aujourd'hui, il y a des critiques littéraires qui disent Charles Dickens, non, non, ce n'est pas vraiment un grand auteur. Je sais que je suis seulement 40 pages dans votre livre. Well, what? Nothing. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, c'est ridicule. Au nom de quoi je me permettrais de critiquer quelqu'un comme vous? Allez-y, je tiendrai le coup. C'est brillamment écrit, c'est vrai. Mais bon, tout ce que vous écrivez est brillamment écrit. Ah, ça commence assez mal. Tous ces gros mots, Paul. Ça y est, je l'ai dit. La grossièreté vous embête. Cela est sans noblesse aucune. Ce sont des gosses des banlieues. J'étais un gosse comme ça. Tout le monde dit des grossièretés. C'est pas vrai! Que croyez-vous que je dise quand je vais à la grainerie centrale? Alors, Wally, donne-moi un paquet de cette nourriture de porc fétide et 5 kilos de ce satané maïs à bestiaux. Et à la banque, qu'est-ce que je dis à Madame Bollinger? Tiens, voilà une belle pourriture de chèque! Roule-toi de me filer ton argent cacateux! Oh, attention, regardez ça! À cause de vous, j'en ai mis partout! Oh, Paul, je m'excuse. Je suis absolument désolée. Oh, non. Il m'arrive parfois de m'emporter. Vous voulez bien me pardonner? Oui, c'est rien. Ce qui est passionnant ici, quand on entend les deux extraits mis côte à côte, Mélanie Fazi, c'est qu'on se rend compte que le personnage d'Annie est à la fois dans le rôle de la fan et de la critique. Elle reproche très violemment à Paul d'avoir son choix de langage. Elle dit c'est trop grossier, vraiment. À cette occasion-là, on comprend qu'elle-même est un peu folle, sans doute. On ne l'avait pas compris avant. Et finalement, quand King parle des critiques qui n'arrivent pas à aimer les œuvres populaires, peut-être qu'il est dans le même registre d'objection, non ? C'est un problème qu'il a eu assez souvent et qu'il aborde plus tard dans le récit, dans le roman plutôt, qui est effectivement que Paul Sheldon c'est plus ou moins forcé, non pas forcé. Il a écrit ses romans, ce qu'il considère comme ses grands romans sérieux avec tous les guillemets d'usage, pour épater les critiques parce qu'il n'en peut plus de pas être pris au sérieux. Je valide complètement ce que disait King effectivement sur le mépris par rapport à la littérature de genre des critiques et la frustration qu'il a pu en avoir lui. Annie, c'est encore un registre différent. Je pense que ce qui est intéressant aussi dans cet extrait, c'est que la façon dont elle réagit pas simplement au fait qu'elle n'aime pas l'histoire ou autre, elle réagit aux gros mots. Ouais. Et c'est un aspect très intéressant du personnage, elle est dans une espèce de contradiction constante. Parce que c'est quelqu'un dont on découvre ensuite qu'elle a commis des meurtres, elle va faire des horreurs pendant tout le roman, elle pique des crises de colère absolument phénoménales, et elle est perturbée par des gros mots. Et elle passe son temps à jurer, elle a des jurons qui sont quasiment enfantins quand elle jure. C'est un des premiers éléments d'étrangeté. Dans le film, en tout cas, c'est le premier. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à comprendre qu'elle n'est pas uniquement bienveillante à l'égard de l'auteur. Et c'est peut-être là aussi où elle-même, elle rejoint la Annie du roman, parce que même dans son visage, il y a quelque chose de monstrueux qui apparaît. Oui, complètement. Là. Il y a une espèce de déformation qui dans cette scène du film, en fait, est complètement choquante parce qu'on ne l'a pas anticipée. Ouais. Autant dans le roman, elle est monstrueuse de bout en bout, autant le film joue vraiment sur une subtilité. Il joue beaucoup sur cette surprise. On ne s'est pas attendu à ça et on voit de toute façon l'expression de James Caan à l'écran, qui joue Paul Sheldon, qui est pris de court, il dit « mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Lui-même ne comprend pas ce qui vient d'arriver. Et ça va aller crescendo, mais les effets sont dosés de manière très subtile dans le film. Alors le roman, on est vraiment dans une espèce de surenchère constante dans l'horreur de A à Z. Dans le film, on est en plus, de plus en plus dans l'attente. On sait qu'il va se passer quelque chose, on ne sait pas quand ni comment. Et c'est quand ça explose, effectivement, c'est d'autant plus choquant. Alors que c'est un film qui est beaucoup dans la suggestion, beaucoup plus que dans l'horreur montrée. Il y a un thème qui est développé en parallèle de celui du rapport de l'écrivain à son écriture, dans le film et encore plus dans le roman, c'est le thème de la douleur et même de l'addiction à quelque chose qui va nous permettre d'écrire. Stephen King a parlé à de nombreuses reprises de son rapport à l'alcool, et d'ailleurs on le met en scène dans ses films, notamment pensé à Shining, hein, où justement le personnage de Jack Nicholson dont on parlait hier se met à boire et n'arrive plus à écrire. C'est un thème qui lui est cher parce qu'il lui permet sans doute, c'est en tout cas ce qu'il dit dans le texte que vous allez entendre, de trouver le juste milieu entre la réalité et la fiction. L'addiction peut-être qui commence à nous faire basculer vers autre chose que la réalité. Écoutez, cet extrait donc de Mémoire d'un métier, le roman, le texte, c'est pas un roman justement, ça s'appelle Écriture, et c'est un texte absolument génial dans lequel Stephen King livre beaucoup de réflexions sur son rapport à l'écriture. En 1985, j'avais ajouté une dépendance à la drogue en plus de celle à l'alcool. J'étais terrifié à l'idée de ne plus y arriver. À cette époque, je ne voyais pas comment j'aurais pu vivre autrement. Je ne pouvais pas demander de l'aide. Ce n'était pas ainsi qu'on faisait dans ma famille. Toutefois, cette partie de moi-même qui écrit des romans n'acceptait pas cette idée. Se taire n'était pas son truc. Elle commença à hurler de la seule manière qu'elle connaissait, à travers ses récits de fiction, à travers les monstres qu'elle créait. Fin 1985 et début 1986, j'ai écrit « Misery ». Le titre décrit très bien dans quel état d'esprit j'étais. Roman dans lequel un écrivain est retenu prisonnier et torturé par une infirmière folle. Peu de temps après, finalement convaincu que je ne pourrais pas m'arracher tout seul à cette hideuse spirale descendante, ma femme entra en scène. Elle me dit que j'avais le choix. Soit je me faisais soigner dans un centre spécialisé, soit je fichais le camp de la maison. J'ai réfléchi, aussi bien que je le pouvais vu l'état de délabrement avancé dans lequel j'étais. Ce qui m'a finalement décidé, ce fut Annie Wilkes, l'infirmière psychotique de Misery. Annie, c'était la coque et l'agneau le réunit, et j'en avais assez d'être l'écrivain esclave d'Annie. Je redoutais de ne plus pouvoir écrire si j'arrêtais de boire et de me droguer, mais j'en arrivais à la conclusion, encore une fois dans la mesure où j'étais capable de raisonner dans l'état d'abattement et de détresse qui était le mien, que dans ce cas-là, j'échangerais l'écriture contre la possibilité de sauver mon mariage et de voir mes enfants grandir, s'il fallait en arriver là. Mais parfois, les sons, comme la douleur, s'estompaient. Il n'y avait plus que le brouillard. Il se souvenait des ténèbres, ténèbres compactes qui avaient précédé la brume. Cela voulait-il dire qu'il faisait des progrès? Que la lumière soit même du genre brumeux, car la lumière était bonne, et ainsi de suite. Ces sons avaient-ils existé dans les ténèbres? Il ignorait la réponse à ces questions. Cela avait-il le moindre sens de les poser? Même à cela, il ne pouvait pas répondre. La douleur rôdait quelque part en dessous des sons. Elle gisait à l'est du soleil et au sud de ses oreilles. C'est là tout ce qu'il savait. Pendant une durée de temps qui lui parut très longue, ces sons restèrent la seule réalité extérieure. Qui il était et où il se trouvait, il n'en avait aucune idée. Et d'ailleurs, il s'en moquait éperdument. faut-il souffrir pour pouvoir écrire ou faut-il mettre un terme à cette souffrance pour pouvoir trouver l'inspiration nécessaire à l'écriture? C'est la question que pose le texte de Stephen King, dont vous avez entendu un extrait lu par Bernard Gabay, texte donc qui raconte un rapport personnel à l'écriture. Et ensuite, j'ai lu quelques lignes du début du roman Misery. On est exactement cet auteur dans cet état de grande douleur et entre fiction et réalité, on ne sait pas trop où il se trouve. C'est donc cette question-là qui obsède Stephen King, Mélanie Fazi, à laquelle le roman va essayer de répondre. En l'occurrence, c'est vraiment. Je trouve que cet extrait d'écriture est vraiment passionnant. Particulièrement si on relit le début de Misery sous cet angle, on s'aperçoit que ce thème est extrêmement présent, mais probablement de manière à demi consciente. Il y a quelque chose qui est frappant, c'est que King, il se cache vraiment pas du fait qu'il a eu des problèmes d'alcoolisme et de drogue. Il se cache pas non plus du fait qu'il a écrit dessus en partie inconsciemment. Et par exemple, il dit à un autre moment du livre, dans Shining, il écrit quand même dans Shining sur l'alcoolisme, un moment où il est alcoolique, mais où il ne s'est pas encore avoué qu'il est alcoolique. Donc il le dit dans cet extrait, son inconscient se sert de la fiction pour essayer de lui dire « Bon, là quand même, peut-être que tu as un problème. Ouais. » Et effectivement, tout le début, le thème de... Contrairement au film, en fait, qui est beaucoup plus dans les faits, je dirais, on est beaucoup dans les sensations dans le roman. La sensation de l'inconscience, la sensation de la douleur qui arrive avant de comprendre son environnement. La douleur qui arrive, qui reflue, qui est absolument monstrueuse. Mmh. Et progressivement, effectivement, ce rapport aux pilules qui lui sont données, qui au départ lui apportent un soulagement et qui ensuite vont le rendre accro. Le Novril, voilà, un médicament qui n'existe pas apparemment, mais qui est à base de codéine. C'est ce que dit Stephen King là pour le coup dès le début du livre. Voilà. Il dit attention, ce médicament n'existe pas. Voilà, mais il précise donc qu'il est à base de codéine et qu'il a donc ce pouvoir d'addiction. Et il se rend compte au bout d'un moment qu'il a besoin de ces pilules non plus simplement parce que la douleur est trop forte, mais parce que voilà, il est accro. Et c'est assez intéressant de relire à quel point ce thème est important. Et je pense que ça dit quelque chose sur lui, c'est que notamment, il y a une scène très frappante où, je crois que c'est celle où Annie demande, elle a trouvé la sacoche où il a ce nouveau manuscrit qu'il vient d'écrire. Elle lui demande si elle peut le lire, parce qu'elle a une grande curiosité. Et à ce moment-là, elle a les pilules qu'elle doit lui donner. Et lui commence à avoir très mal, et il veut ses pilules, il les veut absolument. Et elle tarde parce qu'elle lui demande, elle veut l'autorisation de lire ce manuscrit. Et il a cette espèce de rejet du manuscrit, de dire « mais je m'en fous, vous en faites, si je me souviens bien, faites-en des petits chapeaux en papier si vous voulez, je m'en fous, donnez-moi les pilules. » Et là, il est dans quelque chose où il est presque plus lui-même, il est presque plus humain. Et quand on lit ce passage, on se dit « il a certainement mis quelque chose de personnel sur... ça vient de son rapport à la drogue, probablement. » Il y a des moments comme ça où on se dit « ça n'a pas été écrit par hasard. » On sent qu'il y a eu... on sent vraiment que c'est un roman écrit par quelqu'un qui ne va pas bien, ça c'est... C'est assez évident, ça saute vraiment aux yeux. Mais alors l'écriture serait-elle du côté de la salvation, ce qui peut nous sauver de la drogue, ou au contraire, est-ce que finalement c'est ce qui crée un état qui rend dépendant à la drogue pour nous permettre de continuer d'écrire? Je pense que c'est un rapport un petit peu ambivalent. L'écriture le sauve plutôt de la folie dans le roman, mais je dirais qu'on sent cette peur dont il parle dans cet extrait qu'on vient d'entendre, la peur, et si j'arrête la cocaïne, est-ce que je pourrais encore écrire? Ouais. Et je pense qu'on sent ça dans ce rapport complètement ambivalent qu'il a à ce roman écrit en captivité. C'est écrit dans des circonstances monstrueuses, il faut une douleur, il est déshumanisé, il est poussé dans des tortures qui sont atroces, mais ça lui permet d'écrire, et je pense que c'est sans doute son rapport très ambigu à la cocaïne. Je n'en veux plus, mais est-ce que je pourrais encore écrire si je me débarrasse de la cocaïne plus que l'alcool? Bonne question, les deux, mais je dirais que peut-être qu'on pense à la cocaïne en le lisant parce que là, il est question de cette addiction à la codéine. Ouais. Là où Shining parle plus de l'alcool. Mm-hmm. Je pense que c'était les deux en même temps, effectivement. Parce que lui-même, effectivement, est ambivalent à l'égard de cette question, mais la manière qu'on les deux questions de l'addiction et de l'écriture de s'entremêler dans beaucoup de ses textes laisse songeur. Et pourtant, quand lui-même parle de son rapport à l'écriture, on a l'impression que lui-même, parfois, tente de se présenter comme un écrivain normal. Écoutez. Je sors tous les jours et je me mets au travail à 7h30 du matin jusqu'à midi, 7 jours par semaine. Et aussi longtemps que les idées me viennent, pour moi, c'est pas du boulot, c'est du jeu, c'est du plaisir. Il y a des jours où c'est un peu difficile, mais le travail, c'est une échappatoire, c'est une voie de sortie de la vie ordinaire, du monde ordinaire, et même pour vivre une vie différente. Ouais, c'est vrai que certains des personnages sont un peu dérangés, dans des situations horribles, parfois. Mais je regarde comment ça se produit, tout ça. Et j'aime bien penser que parfois, quelque part, je vais avoir des lecteurs qui vont avoir la trouille de leur vie. Et ça, ça aide. Au bout d'un moment, Annie arrêta de passer l'aspirateur et vint se tenir dans l'encadrement de la porte. Elle le regarda sans que Paul se doutât un instant de sa présence. Lui-même ne savait pas qu'il était là. Il avait finalement réussi à s'évader. Il se trouvait dans le cimetière. Il respirait l'air humide de la nuit, chargé d'odeurs de mousse, de terre et de brume. Il entendit l'horloge du clocher sonner deux coups, et tous les moindres détails se mirent en place dans le récit. Quand c'était très bon, il avait l'impression de voir à travers le papier. Et en ce moment, il était transparent. Annie le regarda longtemps. Son lourd visage ne souriait pas, ne bougeait pas. Mais on pouvait y lire quelque chose comme de la satisfaction. Au bout d'un moment, elle partit. Son pas était lourd, mais Paul ne l'entendit pas non plus. Il travailla jusqu'à 3 heures de l'après-midi et à 8 heures ce soir-là, il demanda à Annie de l'aider à s'asseoir de nouveau dans le fauteuil roulant. Il écrivit pendant encore 3 heures, en dépit de la douleur qui avait commencé à le tarauder vers 10 heures. Annie vint à 11 heures, il lui demanda « Encore un quart d'heure ?»« Non, Paul, ça suffit, vous êtes blanc comme un linge. » Et elle le mit au lit, et il s'endormit en 3 minutes. Elle ne le réveilla pas de la nuit pour la première fois depuis qu'il était sorti du nuage gris, et pour la première fois aussi, pas un seul rêve ne vint troubler son repos. Il avait déjà rêvé, éveillé. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Comment décrire l'inspiration d'un écrivain? C'est ce à quoi s'attelle aussi Stephen King dans ce roman, ici avec le personnage de Paul Sheldon. L'inspiration qui est une sorte de dédoublement à soi, il ne sait pas lui-même qu'il est là, il entend à peine la personne qui est en face, il est littéralement ailleurs. C'est finalement beaucoup plus convaincant et réaliste que ce que King peut dire lui-même en interview, ce qui est normal, hein. Mélanie Fazi, vous avez entendu l'interview, c'était sur France Inter en 2013, où il dit « Oui, bon, bah, finalement, un écrivain a besoin de s'échapper, donc je fais des balades quotidiennes, j'écris tous les jours, on n'apprend pas grand-chose. » Alors que dans ce roman-là, on apprend beaucoup plus de choses sur le mécanisme de l'inspiration. On apprend beaucoup. Moi, je pense que les deux sont révélateurs. C'est quelqu'un qui a une grande humilité par rapport à l'écriture. Et je trouve que justement, l'ouvrage écriture dont on parlait est passionnant à cet égard. Il cherche jamais à faire de l'écriture un grand truc philosophique ou un grand truc d'inspiration divine, on va dire. Et ce qui est passionnant dans Misery, c'est qu'il ne se contente pas de raconter comment ça se passe, il le montre. Et c'est tout un des aspects que le film ne choisit pas de développer, c'est qu'on assiste à la naissance de ce roman qui, au départ, il écrit un chapitre vraiment pas très inspiré pour sauver sa peau. Elle lui fait réécrire parce qu'il n'était pas plausible. Et en fait, il y a quelque chose dans sa tête se met en marche, une espèce de mécanisme, et il commence à se prendre au jeu. Et l'extrait qu'on vient d'entendre est tout à fait parlant par rapport à ça. Et ça va le sauver plus tard de la mort à un moment donné. Il y a un passage qui est assez, je digresse un peu, mais un passage que je trouve extrêmement marquant, où suite à une torture qui est particulièrement horrible et qui lui fait vraiment l'effet d'un choc, il se sent qu'il est en train de sombrer. Et ce qui va le sauver de la mort, c'est qu'il veut connaître la suite de sa propre histoire. Ouais. Parce qu'il a ce point commun avec King qu'il commence à écrire sans connaître la fin. Il part en général d'une situation de départ et il défriche au fur et à mesure. Et c'est-à-dire qu'il voulait piéger Annie, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas le tuer tant qu'elle ne connaît pas la fin de l'histoire. Il utilise le motif de Scheherazade plusieurs fois dans l'histoire. Tant que l'histoire n'est pas terminée, il est vivant. Mais tant que l'histoire n'est pas terminée, il ne peut pas se laisser sombrer non plus. Oui, alors il faut préciser, ça on ne l'a pas dit, mais ce que Annie demande à Paul, c'est d'écrire la suite de Misery. Parce qu'au fond, pendant qu'il est séquestré, elle va acheter son dernier roman, le dernier Misery qui est sorti. Et elle découvre que celle-ci meurt à la fin du roman. Et c'est insupportable, elle devient complètement folle, etc. Elle lui dit, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire la suite de Misery maintenant. Donc lui, qui n'en avait pas du tout envie, accepte, il n'a pas tellement de choix. Et il se met à écrire le texte lui-même. Donc effectivement, écrire la suite de Misery, c'est pour lui une manière de garantir sa propre survie. Voilà, complètement. Et le film fait le choix plutôt, c'est là qu'il commence à diverger, de montrer uniquement qu'il la survit dans le sens où il essaie de la satisfaire. À aucun moment on ne sent d'enthousiasme chez James Caan quand on le voit écrire. Et on ne sent pas... Alors curieusement, ça c'est quand on regarde et lit bout à bout, on s'aperçoit que l'intrigue du roman dans l'histoire n'est pas la même. Elle commence de la même manière mais ne se termine pas de la même manière. Ouais. Dans le film, ça a l'air d'être une espèce de petite romance à deux balles, vraiment pas très inspirée, qu'il a écrite juste pour la satisfaire. Alors dans le roman, c'est une espèce de roman d'aventure un peu gothique qui devient foisonnant, qui part dans une direction qui le surprend complètement, avec un final assez épique. Enfin, on a nous-mêmes une curiosité de ce roman qu'on voit naître. On en lit des extraits. On le voit évoluer, on assiste. En plus, quelque chose qui est très bien montré, ce sont les déclics d'inspiration. Comment les éléments de son quotidien, des éléments ou des pensées qui l'ont traversé, se retrouvent dans le roman. Et ça, c'est quelque chose qui montre extrêmement bien du processus créatif. Ça, c'est extrêmement crédible. Mmh. Mais dans les deux cas, on a envie de découvrir le texte quand même. C'est là où on se dit que c'est pour ça que la question de savoir le rôle que cette séquestration joue sur son écriture est à prendre au sérieux, parce que même dans le film où on sent bien que c'est pas l'œuvre de sa vie, il y a quelque chose qu'il produit qu'il ne pensait pas pouvoir produire. C'est-à-dire qu'on se dit, mais dans quelle mesure les conditions d'enfermement n'ont-elles pas été d'une manière ou d'une autre propices à son écriture? C'est ce que dit le film, mais alors avec un endroit où il diverge complètement, qui est sur la fin. Si je peux développer. Allez-y, voilà. Puis on reviendra en arrière, parce qu'il y a quand même des scènes qu'il faut qu'on commente. En fait, il y a tellement de choses, ça part un peu dans tous les sens. Donc, la fin, il a réussi à échapper à sa captivité. Il la piège en brûlant le manuscrit qu'il vient d'écrire. Donc là, vous parlez du film ou du livre? En fait, les deux. Ouais. Le point commun, c'est ça. La différence étant que dans le film, il brûle réellement ce manuscrit qui ne l'intéressait vraiment pas, en fait. Il le laisse détruire. Dans le roman, il le sauve, il brûle autre chose. Et il sort de captivité dans le roman avec ce livre. Mm-hmm. Il sort de captivité vivant. Il publie un livre qui va avoir un grand succès et il reste hanté par ce qui lui est arrivé. Ce livre qui a un grand succès n'est pas le même dans les deux cas. Dans le roman, c'est Le Retour de Misery. Exactement. C'est ce roman auquel il s'est tellement attaché qu'il n'a pas pu laisser détruire. Et dans le film, et c'est une scène que je ne peux pas empêcher de trouver une trahison, il a écrit ce qu'on suppose être un grand roman sérieux, encore une fois. Donc dans le film, il dit « Annie Wilkes m'a rendu service. Elle m'a permis d'écrire ce que j'avais vraiment à écrire. » Sauf que là, il dit complètement l'inverse que ce que King dit quand il parle d'écriture et de roman populaire, c'est quelqu'un qui aime le roman populaire. Et c'est sur ce petit détail que je trouve que le film est une trahison. Il est brillant, il est très respectueux par plein d'aspects, mais sur cet aspect, je trouve qu'il trahit la vision de King, qui est profondément quelqu'un qui aime les genres. Et Rob Reiner, pas tellement. Mais c'est ça, comme si c'est Rob Reiner lui-même qui n'assumait pas le côté film populaire ou roman populaire. Voilà, complètement. Et du coup, je trouve que le film est intéressant dans cette espèce d'entre-deux, où il va dans l'horreur sans y aller complètement. Il va sur le thème de l'écriture, mais il déforme légèrement le propos. On est dans une espèce de... Il tend vers Hitchcock en même temps qu'il adapte King. Bon, on est dans un entre-deux qui, je pense, crée une grande tension qui est très intéressante, mais du coup fait que c'est une adaptation pas forcément représentative. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une scène qui le montre très bien, et je vous propose qu'on l'écoute dès maintenant. C'est une scène qui, dans le roman, est une scène d'horreur insoutenable. Et dans le film, tout se passe hors champ. Alors je vous propose qu'on écoute d'abord l'extrait de film, un extrait dans lequel Annie, pour empêcher Paul de se lever à nouveau et donc de tenter de s'échapper, va lui briser les pieds. Paul. I know you've been out. What? You've been out of your room. No, I haven't. Paul, dans ma collection de porcelaine, mon pingouin est toujours en tête et il regarde toujours vers le sud. Alors là, non, vraiment, je sais pas de quoi tu parles. Ta collection de porcelaine, ton pingouin? C'est peut-être ça que tu veux. Je sais que tu es sorti deux fois, Paul. Mais tu sais, Paul, ce n'est pas grave. Car vois-tu, hier soir, tout est devenu clair. J'ai compris qu'il te fallait plus de temps pour accepter l'idée de rester ici, avec moi. Paul, est-ce que par hasard tu connais l'histoire de la mine de diamants de Kimberley? Sais-tu quel était le sort des mineurs qui avaient volé des diamants? Oh non, rassure-toi, on ne l'était pas, non. Ce serait comme de jeter à la casse une Mercedes sous prétexte que la batterie serait morte. Non, les voleurs qu'on attrapait devaient pouvoir continuer de travailler. Mais aussi, il fallait faire en sorte qu'ils ne puissent plus s'enfuir. On appelait cette opération le sabot. Annie, j'ignore ce que tu comptes faire exactement. Mais ne le fais pas, je t'en prie. Crois-moi. Annie. C'est pour ton bien. Non, pitié! Allez, plus qu'un. C'est presque fini. Dieu que je t'aime. Mon Dieu que je t'aime. Et oui, il y a différentes façons de montrer son amour. Alors si vous trouvez cette scène insoutenable, vous n'avez pas encore entendu le texte que vous allez entendre après, qui est vraiment bien pire. Et on se disait, Mélanie Faizy, au fond, cette scène, alors que tout se passe hors champ, elle est irregardable quand même. Je suis incapable de la voir. Oui, je peux lire l'extrait sans problème, mais regarder cette scène, je ferme les yeux à chaque fois. Vous l'expliquez comment ? Elle fonctionne sur la suggestion extrêmement bien. Je pense qu'après, ça appuie sur de... Je pense qu'on a tous des choses qui vont nous effrayer plus que d'autres. Pourquoi j'arrive à relire l'extrait sans sourciller, je sais pas. Ouais. Mais peut-être, effectivement, ce qu'on imagine. Puis les bruits, je me rends compte en écoutant l'extrait que le bruit joue beaucoup. Bah, le contraste entre cette mélodie très douce et le bruit du maillet qui vient exploser les chevilles. Et puis cette façon dont elle lui dit qu'elle l'aime à la fin. Enfin, c'est complètement Annie, cette espèce de douceur. En tout cas, dans la version du film, elle est plus dans cette espèce de douceur qui est complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'elle fait, en fait. Et c'est assez... C'est une des scènes, je pense, c'est la scène la plus marquante... du film, en tout cas, je pense. C'est la scène qui a marqué tout le monde. Oui. Délibérément, Rob Reiner avait choisi de ne pas montrer l'aspect gore qu'il y a dans le texte pour ne pas que la scène soit absolument insoutenable. Or, en fait, c'est ce que vous dites très bien, c'est par la suggestion, parfois, c'est là que surgit l'horreur. Oui, il a fait le choix, en fait. C'est le scénariste William Goldman en parle dans ses mémoires. Il explique que cette scène, il y a eu énormément de débats dessus, puisque, si on va dire l'extrait, je vais peut-être le laisser, mais il ne se passe pas exactement la même chose. Dans l'extrait du roman, elle l'ampute en fait d'un pied, et ils se sont rendus compte que ils voulaient pas laisser cette scène telle quelle, parce que le film aurait été ce genre de film extrême que personne n'ose aller voir, et ils voulaient que malgré tout ça reste grand public. Et William Goldman s'est battu pour cette scène, il y tenait, c'est la scène pour laquelle il voulait écrire ce scénario. Il a été extrêmement déçu quand on lui a dit ah ben non, finalement on est parti sur autre chose, et quand il l'a vu à l'écran, il s'est rendu compte que oui, ils avaient eu raison. Bon, est-ce qu'on écoute la scène telle qu'elle est décrite dans le roman ? Vous voulez dire un mot avant ou d'abord on l'écoute ? On va l'écouter d'abord, oui. Bon, la voici, donc lue par Bernard Gabay. Annie Wilkes jeta la bouteille ouverte de bétadine par-dessus son épaule, le visage vide, neutre, et cependant d'une compacité inaltérable. Elle avança la main droite le long du manche de la hache, presque jusqu'à la hauteur du fer. Puis elle le saisit plus haut de la main gauche et écarta les jambes comme un bûcheron. La hache retomba en sifflant et vint s'enfoncer dans la jambe gauche de Paul Sheldon, juste au-dessus de la cheville. Une explosion de douleur tétanisa son corps dans un éclair géant. Un sang d'un rouge sombre vint éclabousser le visage d'Annie, lui faisant comme des peintures de guerre Sioux, et alla s'étaler aussi sur le mur. Il entendit la hache grincer contre l'os lorsqu'elle l'arracha. Les yeux écarquillés, incrédules, il regardait ce qui arrivait à son corps. Le drap s'imbibait de sang. Il vit ses orteils se tortiller, puis la hache dégoulinante s'élever de nouveau. Détaché, ses cheveux lui pendaient devant le visage en mèches folles. En dépit de la douleur qui lui déchirait la jambe, il essaya encore une fois de la retirer, pour s'apercevoir que si elle bougeait, son pied, lui, restait immobile. Son mouvement ne faisait que rendre la plaie laissée par la hache plus béante, ouverte comme une bouche écarlate. Il eut juste le temps de comprendre que son pied n'était plus retenu que par le muscle du mollet avant que la lame ne redescendît, directement dans l'entaille, déchirant ce qui restait de lien entre la jambe et le pied avant de s'enfoncer profondément dans le matelas. Les ressorts grincèrent et craquèrent. Annie libéra la hache et la jeta de côté. Elle regarda un instant d'un air absent le moignon qui dépassait, puis prit la boîte d'allumettes. Elle en enflamma une. Bon, les cris d'horreur, on les entend derrière la vitre. Moi, je les entends. Là, il faut voir la tête de l'équipe des Chemins de la Philosophie derrière la vitre. À l'écoute, et surtout Jean-Frédéric, à l'écoute de ce texte, Mélanie Faizy, on peut quand même parler d'une sorte de jouissance du gore là, de la part de Stephen King. Et du lecteur, d'ailleurs. De jouissance, je sais pas, mais en tout cas de quelque chose d'extrême. On est vraiment dans ce roman dans une espèce d'ambiance de cauchemar qui va de plus en plus loin. Et ce qui va, comme je disais tout à l'heure, c'est un roman écrit par quelqu'un qui va pas bien. Je pense qu'il y a peut-être plus autant ça que la jouissance. Moi, le détail que je trouve absolument jubilatoire dans cette scène, c'est le petit détail qui m'a marqué, c'est quand elle asperge la hache de bétadine. C'est-à-dire, c'est presque absurde. Elle a ce truc. Elle est pas dans une folie meurtrière où elle déboule dans la chambre et elle fait n'importe quoi. Elle est persuadée d'une part, et ça c'est très important chez Annie, elle est persuadée qu'elle agit pour son bien. Elle a aucune conscience de lui faire du mal pendant tout le récit. Et là, elle est persuadée que simplement, ben, il faut qu'il écrive ce roman, il faut pas qu'il s'enfuit, donc il y a qu'une chose à faire, on va l'amputer. Mais elle le fait avec le soin d'une infirmière. Oui, il faut pas qu'il s'infecte non plus. Voilà, c'est complètement ça, elle le soigne derrière. Elle lui dit régulièrement dans le roman d'ailleurs qu'il est ingrat parce qu'elle l'a tellement bien soigné, comment il peut se comporter de manière aussi ingrate avec elle. Ben c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire à ça, c'est qu'elle présente tout ça comme du soin, en effet. Oui, du soin et puis vraiment elle est persuadée que au départ elle le pousse à détruire le manuscrit qu'il vient d'écrire, celui avec les gros mots. Et c'est pour son bien, parce que ce manuscrit, il n'était pas bien. Il faut vraiment qu'il revienne. Elle le ramène sur le droit chemin, pratiquement. Et le droit chemin, c'est écrire misérie. Donc elle a vraiment cette logique complètement absurde qui est terrifiante. Et il y a un motif aussi, que cette scène est importante aussi, parce qu'il y a un motif qui est plus développé dans le roman. Là, on a vraiment Paul qui perd un morceau de lui, puisqu'elle l'ampute d'un pied. Plus tard, elle va l'amputer également d'un pouce. Et en même temps, il tape ce roman sur une espèce de vieille machine qu'elle a achetée d'occasion. Et cette machine perd des touches au fur et à mesure. On a une espèce de délabrement physique et psychique du personnage, c'est tout tombe en morceaux. On est vraiment dans quelque chose, il n'y a plus rien à la fin, il n'y a plus rien de lui. Y compris donc la machine à écrire qui ferait partie de lui, puisqu'elle aussi se délabre. Bah complètement, il y a vraiment un parallélisme. Plus il perd de morceaux de lui, plus la machine perd de touches. À la fin, on a pratiquement plus rien. Et il termine en plus dans la douleur, il est obligé d'écrire la fin du roman à la main. Et ça lui fait terriblement mal à la main, il n'en peut plus à la fin. Donc on est dans une douleur vraiment de plus en plus. Comme dès le début du livre, d'ailleurs, c'était annoncé. Mais quand même, sur le texte qu'on a entendu, alors vous dites, oui, c'est le roman de quelqu'un qui va mal, d'accord. Moi, je parlais de jouissance, alors peut-être pas. Je me dis qu'on peut pas écrire de manière aussi précise une scène aussi gore sans y prendre du plaisir, ou alors vraiment, même peut-être du plaisir à la douleur. Mais des phrases telles que « Son mouvement ne faisait que rendre la plaie laissée par la hache plus béante, ouverte comme une bouche écarlate », si la plaie elle-même devient une bouche, on sent qu'ici, c'est tous les sens qui sont en fait renversés et qu'il y a quelque chose de presque de sensuel. Enfin, la bouche, c'est ce qui dévore, quelque chose de presque de gustatif, oui, dans une scène complètement gore, quoi. Ben là, on est dans le plaisir d'écrire de l'horreur et il peut y avoir une jouissance à écrire quelque chose de l'horreur, mais une sorte de mise à distance presque. Ça devient un motif d'écriture, un motif, une manière de jouer sur les sens, oui, de manière... D'une manière presque détournée. Je pense que probablement il y a une mise à distance et de ce qu'on est en train de d'écrire et de lire à ce moment-là. De mise à distance, on a l'impression qu'on a le nez dedans, justement, dans cette plaie. Je suis pas sûre qu'on. Ah, je vais pas me mettre à la place de King, mais. Allez-y. Je pense que pour avoir déjà écrit des situations dans mes propres textes qui sont assez horribles par moments, il y a un plaisir à ça, mais parce qu'on n'a pas l'impression qu'on est en train d'écrire quelque chose de réel. C'est un motif, vraiment. Et je pense qu'on trouve ça beaucoup dans la littérature et le cinéma d'horreur. On va écrire sur des choses absolument ignobles parce que ce sont des variations sur des motifs, beaucoup plus que parce que ça pourrait arriver à quelqu'un dans la vraie vie. C'est en ça que je parle de mise à distance, alors que là, on est vraiment dans une jouissance du détail. Et c'est une scène qui est marquante parce que par les détails. Alors moi, j'ai plus été marquée, comme je disais, par la bétadine parce que c'est absurde ce détail, mais c'est très très très visuel, oui. C'est-à-dire que le moment où l'écrivain bascule du côté de l'horreur, c'est le moment où il n'est plus dans la recherche de la vérité, mais il travaille sur un motif littéraire, c'est ça dans le genre. On est vraiment du côté de la littérature et pas du réel. Je pense que la littérature d'horreur, elle est vraiment très efficace quand elle mélange les deux. Et King, pour moi, est un grand écrivain parce qu'il a les deux. Il a le jeu sur le suspense, sur l'horreur, sur ces scènes qui sont absolument monstrueuses, mais très souvent, elles font écho à des choses réelles. Il y a en général des thèmes... Quand je parlais tout à l'heure du fait que Shining, par exemple, est un texte horrible, mais parle aussi d'alcoolisme, de paternité. Enfin, les deux s'entremêlent. Et je pense que la littérature d'horreur n'est efficace que si justement il n'y a pas que la jouissance d'écrire des horreurs, mais que ça résonne avec quelque chose derrière. Vous arrivez à définir ce que c'est que la littérature d'horreur ? Alors ça, c'est toujours un peu compliqué. Ce qui me viendrait, je dirais, c'est une menace contre l'intégrité, soit l'intégrité du corps, l'horreur physique comme dans cette scène, soit l'intégrité de l'esprit. Il est question d'un basculement dans la folie, en fait, d'une situation atroce qui devient de plus en plus atroce. C'est quelque chose, une peur face à une menace de quelque chose d'horrible et qui va nous détruire. Mm-hmm. Je dirais que je situerais à cet endroit-là. Il y a soit effectivement l'horreur dans ce qui est montré de sanglant et dans la violence qui est infligée au corps, mais aussi l'horreur qui peut être infligée à l'esprit. C'est ça, il n'y a pas Misery. Forcément du sang, c'est pas forcément gore, voilà. Le roman d'horreur. Bah, Misery, il y a quelques scènes gore, je dirais qu'il y en a peut-être Misery, 3 oui. ou 4. Il y a 3 ou 4 scènes gore, mais il y a une horreur psychologique de A à Z, de la première à la dernière page. Donc il joue sur les deux registres. Et les passages les plus horribles... Non, le passage le plus horrible, c'est celui-là, je pense qu'on est d'accord. Mais il y a beaucoup de choses absolument horribles qui sont plus psychologiques. Dans l'espèce de jusqu'au boutisme de Annie, à quel point elle n'a pas de logique, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas raisonner. Et je trouve presque plus horrible, en fait, la dernière partie où, après avoir subi toutes ces mutilations, Paul développe notamment des signes de stress post-traumatique. Je me souviens d'une scène où il s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il la voit arriver avec une lame, avant de savoir ce qu'elle va faire, il se met à hurler. Il a été tellement traumatisé que... que la question n'est même plus de ce qu'il va lui faire, mais de à quel point elle a détruit son esprit. Et cette scène-là, moi, je la trouve presque encore plus horrible, finalement. Et c'est là où, encore une fois, le roman et le film divergent. C'est à la toute fin où, finalement, dans le film, il s'en sort pas si mal. Il déjeune avec son agent. Alors, effectivement, à la fin, la personne qui lui apporte le dessert, je crois, tout d'un coup, il voit le visage de Annie. Donc, on se rend compte qu'il n'est pas guéri. Mais enfin, il a écrit un livre qui va très bien se vendre. Il est revenu à la littérature. Il a retrouvé la liberté. Tout va bien. Dans le roman, l'écrivain est complètement détruit. On le retrouve, en plus, un des rares moments où on a un point de vue externe, puisque tout est raconté de son point de vue pendant tout le roman. On a uniquement une exception à ça, c'est le point de vue des policiers ou des journalistes qui le retrouvent. Et ce qu'ils ont en face d'eux n'est presque plus humain. Ils ont quelque chose de complètement délabré qui en plus a été mutilé. Ils sont absolument choqués par ce qu'ils trouvent. C'est pas un être humain qu'ils trouvent. Et effectivement, il a un retour à la vie qui est très compliqué, qui est beaucoup symbolisé dans le roman par le fait qu'il n'arrive plus à écrire. Sauf à la toute fin, dans la toute dernière séquence, il retrouve l'écriture et il pleure en écrivant tellement c'est un soulagement. Mais on sent qu'il a été... Mais on le sait très tôt dans le roman, de toute manière, que même s'il s'en sort vivant et il ne se pose pas la question, le film repose beaucoup sur le suspense de savoir si on va le secourir, alors que dans le roman, il cherche juste à survivre. Mais il sait très tôt qu'il est détruit, de toute manière. Il ne peut pas revenir à une vie normale. Et c'est pour ça que quand il retrouve l'écriture, c'est enfin, il y a quelque chose a survécu malgré tout. Alors, une dernière question, on a tendance à présenter, enfin, c'est pas qu'on a tendance, Stephen King est présenté par tout le monde comme le maître de l'horreur. Vous validez cette expression ? Oui et non. Alors effectivement, je pense qu'il a marqué la littérature d'horreur. Je pense qu'il y a un avant-après. Tout ce qui a été écrit dans l'horreur après lui a découlé de ce qu'il avait fait. Par contre, je pense qu'on a souvent tort de le résumer à ça. Mm-hmm. Parce que c'est aussi un grand écrivain sur un plan... Je parlais tout à l'heure, par exemple, de l'autre film qui est Stand By Me, qui est très représentatif. On a aussi des dimensions beaucoup plus émouvantes, beaucoup plus poignantes, beaucoup plus... une dimension politique, sociale. Il est très très doué pour mettre en scène des personnages. Et moi, j'ai souvent pleuré en lisant ses livres, en fait. Il y a effectivement des choses horribles, mais il y a des scènes, moi j'ai pleuré sur la fin de Misery, ouais. Sur la fin de certains de ses romans. Il y a des choses extrêmement émouvantes aussi, et les premiers films qui l'ont adapté ont mis complètement de côté cet aspect. Donc oui, c'est le maître de l'horreur, mais pas seulement. Bah, il nous reste à le lire, et la bibliographie est tellement géante que vous aurez de quoi faire, chers auditeurs, même si vous ne l'avez pas encore lu. Alors, le roman dont on parlait ce matin, Misery, hein, ainsi que Dead Zone, dont on parlait mardi, sont tous les deux publiés aux éditions Albin Michel. Vous trouverez aussi Carrie et Shining, par exemple, au livre de poche. On peut lire aussi de vous, Mélanie Faisy, des ouvrages. On mettra la bibliographie en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et on se quitte, comme tous les jours, avec une des chansons préférées de Stephen King, The Searchers, Needles and Pins. On change d'ambiance, respirez. I saw her today. I saw her face. Was a face I loved. And I knew I had to run away. Get down on my knees and pray. That they'd go away. But still they began to. Needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Hey, I thought I was smart, I worked hard, didn't think I'd do. But now I see, she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead. And one day she will see just how to say please. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Je me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Qu'est-ce que le provincialisme ? Eh bien, dans un surprenant accès de méchanceté, Brecht écrivait un jour à Benjamin que le problème principal qu'il avait avec Kafka, c'est que transparaissait trop dans l'œuvre de celui-ci qu'il n'avait essentiellement fréquenté que des intellectuels de Prague, et non de Berlin ou de Vienne. Brecht prendra d'ailleurs soin lui-même, notamment dans son exil danois des années 30, de ne jamais se déplacer sans une capitale autour de lui, capitale dont Walter Benjamin, le meilleur intellectuel berlinois de sa génération peut-être, serait la métonymie parfaite. Ce dernier va ainsi passer ses étés 36 et 38 à Svendborg. Il existe d'eux une fascinante série de photos les montrant en pleine partie d'échecs. Le critique un peu voûté est déjà presque un vieil homme, quand le dramaturge au crâne rasé est au sommet de son charisme, on doute doute assez peu que c'est lui qui organisait la séance photo, mais on est moins certain qu'il a parti absolument gagné, toute proportion gardée, pour ceux qui connaissent l'exceptionnelle importance de ces deux hommes et l'exceptionnel miracle de leur amitié, cette photo de deux géants du XXe siècle assis n'est pas tout à fait loin de nous évoquer la célèbre photo de Yalta. Vous voulez dire que ces deux intellectuels se partagent le monde ? À leur façon, peut-être, c'est en tout cas ce qui distingue l'intellectuel issu d'une capitale à l'intellectuel provincial. Le monde n'est jamais trop grand pour le premier. Cela ne signifie pas qu'il faille faire de lui strictement un cosmopolite. Son attachement à une capitale particulière lui demeure, je crois, constitutif. Cet impact de la géographie sur la pensée, c'est peut-être surtout cela le contenu du bon mot de Brecht sur Kafka. Kafka est pragois de façon inguérissable. Et l'intellectuel ne peut, aussi facilement que cela, changer de capitale. Brecht, ainsi, après son séjour remarqué aux États-Unis, conclut triomphalement par son passage devant la commission des activités anti-américaines, revint ainsi vivre à Berlin-Est même. Alors j'ignore si c'est exact, mais on dit qu'il fut tellement bon ce jour-là que la commission, après son passage, cessa d'être publique. J'aime beaucoup cette anecdote qui fait de Washington une petite ville de province à la portée du premier Berlinois venu. Plus compliqué, on le sait, sera le rapport de Benjamin avec une autre capitale, ce Paris tant aimé dont on ignore s'il fut pour lui une capitale d'exil ou véritablement d'adoption. Les Parisiens sont méchants, c'est un fait objectif, et se moquaient, par exemple, de son accent à la Gobseck, la nouvelle antisémite de Balzac. Et quand il prétendit écrire pour la NRF, triomphante, voilà la réponse de Paulhan. Votre style est si peu sûr, si souvent incorrect, si peu accordé à la difficulté particulière du sujet, que je ne vois même pas quelle correction ou amendement vous proposez. Oui, c'est assez violent, en effet. Effectivement, mais Benjamin a trouvé à se venger l'autre jour dans une librairie de Berlin sur la Savignyplatz, tout près de là où il avait grandi. Moi, l'écrivain français, qui publie donc dans la NRF, je me suis senti au milieu de tous ces livres magnifiques, car les livres allemands sont les plus beaux du monde, atrocement provincial. Je n'étais même pas sur la petite table concédée aux écrivains français. Ah, donc c'est ça le provincialisme, c'est une sorte de vexation permanente. On peut le dire, sauf que j'ai repensé à Kafka et à l'écrivain qui, à l'autre bout du siècle, lui ressemble le plus au génial Bolaño, écrivain chilien, grandi au Mexique et mort en Catalogne, en exil lui aussi. Au génial Bolaño, dont les livres gardent toujours un mystérieux parfum de provincialisme ou d'inassurance qui en font le charme secret. Bolaño, comme par exemple un Gide ou un Hemingway, ne domine pas l'histoire littéraire de son temps. Il ne la domine pas, mais il l'incarne jusque dans ses contradictions et ses faiblesses. Comme Kafka, cet écrivain né réussit à ne croire jamais qu'à la littérature. À la littérature, bien plus qu'au monde. Croire au monde, ce serait la malédiction de l'écrivain des capitales. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clémentine Marais en compagnie de Jules Barbier, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions autour de Stephen King. Jean-Frédéric, c'est à la prise de son aujourd'hui, horrifié évidemment. Bernard Gabet était à la lecture des textes. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau cours particulier. Comme tous les vendredis, nous donnons la parole à des personnes qui viennent parler de leur métier, artisan, musicien, philosophe, politique. Demain, ce sera une avocate, Anne Bouillon, sera à mon micro à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter la série d'émissions autour des adaptations cinématographiques des romans de Stephen King en vous rendant sur le site de France Culture ou en téléchargeant l'application Radio France. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.